to my man DJ Kamel. Are you ready? Yeah. Are you ready? Here we go. Kamel, check this out. Drop it every Wednesday morning. Après la vie, peut-être qu'on a tort. Et si la mort était la vie, on sera certainement pas d'accord. Et du d'abord, si on se contentait de la vivre, on a plein de raisons de pleurer. Mais encore plus de sourire, ça pleure dans ton dos. Et ça te sourit dans la rue, ça te dit wesh poteau. Et branche ta meuf, tu l'as vu. Ça pleure dans ton dos, et ça te sourit dans la rue. Ça te dit wesh poteau, et branche ta meuf, tu l'as vu. C'est ton ami depuis 10 ans, alors toi tu l'as cru. Elle te dit je t'aime soi-disant, c'est parce qu'elle avait bu. Allez, allez, grâce pour bande de crasseux. Tu connais pas encore, car Enzo, c'est pas grave. Arrête, tu gagnes. Ça te restera gravé. Tu viens, quand avec la rage, tu te ça me sur les ordres, j'aurais pas étonné. On est là pour foutre la merde, s'évader un peu, on a plus rien à perdre. Mais si oui c'est peu, y'en a qui font la guerre. Je crois que c'est quoi la terre, tu crois que c'est un champ de bataille, non c'est un terrain de jeu. Viens, viens là. Assume tes conneries. Dégage, rap avec la rage, vu tout pété. Je tourne pas la page avec les vrais potes, je suis blindé. Rappe-toi pas sur le cash ou le quinté. Putain de jaloux, tu parles mais c'est pas fondé. Tu restes quoi, de paraître des blagues. Des kilos, mytho, arrête des blagues. Tu donnes des sous à tout le monde, alors fais pas le héros. Assume tes conneries, bois un paquet, fais un braco. Bois un paquet, fais un braco. Venez, venez, venez là, car Enzo c'est par ici. J'suis venu avec la devise, vini, vidi, vici. Mais qui t'a dit que c'est fini, ils ont pété les plombs. J'ai commencé, j'ai fini.